un embouteillage, une voiture consomme plus? Oui, réponse A. Non, réponse B. Pollue plus? Oui, réponse C. Non, réponse D.